Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera plus ou moins lundi, mais peut-être pas, mais heure avancée de l'Internet. En manchette cette semaine, des nouveaux films produits par la brigade SNW, les hobbies de David le légendaire, un sondage de héros, et comment se faire dire ce qu'on sait déjà par une toune. Et voici votre animateur, celui qui n'est pas snob, qui ne s'enfle pas la tête pour rien et qui n'est surtout pas roux. Yes is no, no is yes, this is Moonside, et donc, dans un monde contraire, ce serait Narf. J'aime cette présentation parce qu'elle fait référence à Earthbound, mais j'aime pas cette présentation parce que, as usual, comme ça fait comme 1000 semaines que je le dis à chaque fois que je dis bonjour, je ne suis pas roux et bienvenue au podcast 4. Il s'agit de l'émission numéro 11, nous sommes le 4 juin et on vous parle donc du passé as usual. Et on a-tu quelque chose d'autre à dire? Non, non. As usual. Est-ce que tu me présentes? Non. Donc, pour commencer ce podcast, on va avoir David qui va nous parler de quelque chose de film de 30 secondes. Oh, on est ok, on est juste parce rendu que là. On est juste rendu au présent et à l'avenir de la brigade SNW. Alors, dis-moi, David, est-ce que les films de 30 secondes ont rapport avec la brigade SNW? Pour une fois, dans le présent et à venir de la brigade SNW, on va parler de quelque chose qui a rapport avec la brigade au complet. Pourquoi tu t'as pas juste répondu à ma question? Oui! Ah! Parce que on était parti pour avoir une tendance de non, là, mais là, j'ai dit oui parce que d'accord. C'est bien aussi. Donc, les films de 30 secondes, dans le fond, c'est, ben, moi pis Narf, on avait... Ouais, bon, ok, ça a juste rapport avec moi pis Narf, finalement. La brigade SNW, c'est pour les faibles. Oui. Donc, c'est comme je disais, moi et Narf, on avait des projets de films parce qu'on est tous les deux en cinéma. Puis là, bon, on se dit, ouais. On est en cinéma, faut qu'on fasse des films. Il faut. Donc, on avait tout plein de projets, comme un film de porte, un film de plein d'affaires. Puis on a des Google Docs remplis d'idées. Puis là, on se disait, ouais, mais on n'est pas productif. Ça fait comme un an qu'on a ces idées. Un film de 30 secondes de porte, là. Il y avait non, mais ça peut rapport, ça peut rapport. La revanche des portes à m'emmener. Oh. Puis là, les portes tuent tout le monde. C'est pas dans Fantasia. Ouais. Je l'ai jamais vu, ça. C'est pas genre XXL5. Ouais, peut-être. Mais c'était avec Rémi-Pierre Paquin. Il y avait des portes qui tuent le monde. Ah oui. Mais Rémi-Pierre Paquin, c'est le gars, là. C'est pas le gars avec de la barbe, ouais. Il jouait dans les Étoiles filantes. Non, je pensais dans les Invincibles. Les Étoiles filantes aussi, non? Je pensais que c'était Pierre-Paul Paquette. Il y a une émission à Musique Plus, là, Rock and Road. Là, ouais, en tout cas. Mais juste pour pas éterniser cette section-là trop longtemps. Tu l'enlèveras. Je voulais juste... Parce qu'on parle de films de 30 secondes, mais la section, elle va durer 10 minutes. Je voulais juste dire que, dans le fond, ben pour essayer de se mettre dans le mood... Moi, ben Narf, il a décidé qu'on ferait des films de pas long, donc 30 secondes. On a déjà tourné au complet un film de 30 secondes, même si ça nous a pris 3 heures à tourner. Ben, il va être beau, là. Il va être beau. Tout là, il y aurait juste un montage à faire si quelqu'un que je n'aimerais pas pourrait le faire un je jour. Je veux dire, on a même filmé comme des beaux plans d'arbres, puis des plans ça de nature. 3 comme dans tous vrai. Les films étudiants. Ouais. Même si Narf arrêtait pas de me dire « Fais pas ça, fais pas ça. » Si c'est un film d'étudiant de cinéma, là, ça veut dire que nécessairement, on comprendra rien. Non, rien pas en tout. Okay. C'est de l'art abstrait. Donc, ça va être mauvais. C'est du surréalisme. Surtout quand on sait qu'est-ce que c'est puis qu'on va pas vous le dire parce que non, c'est une surprise. Puis là-dedans aussi, on a d'autres idées. Comme de toute façon, à chaque fois qu'on se voit, on a une nouvelle idée de film de 30 secondes. Fait que suivez ça sur soit le site de la Brigade ou soit sur notre channel YouTube. Ou sur notre Twitter. Ou notre Facebook. Sur YouTube, vous cherchez Brigade SNW, vous tombez sur notre chaîne YouTube de Brigade SNW. On en a une! Ah ouais? On est cool! Ouais. Ben oui, on... Ah, en tout cas. Ok. Mais dis-moi, David, attention là, checker le lien qui s'en vient. Est-ce que dans ces films-là, il y en aurait un qui a rapport avec un apocalypse? Non! Non! Mais pourquoi c'est écrit Apocalypse sur la feuille de route? Parce que c'est ma chronique! C'est la chronique à David! Bon, là... David s'étire le bras, attrape sa feuille de chronique. Il s'installe. On entend le bruit de la feuille. C'est le fun. David la se racle ouais, la gorge et prononce le premier... Là. Et prononce le premier mot. Sir! Fin. Si je prononce le deuxième mot aussi. Et enchaîne ensuite avec la reste pour faire un but. Qui me connaissent un peu. Ok. Trêve de niaisage. Non. Bon, en tout cas, tout ça, je vais commencer ma chronique. Là, go. Parce que, bon, on va faire comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé. Ceux qui me connaissent un peu savent un peu que j'ai des hobbies bizarres. Tu sais, très dernièrement, je trippais full Scientologie. Et aussi sur le mot plouc. Dis pas ça, on va voir le rating comme 16 ans et plus. C'est quoi le rapport? C'est pas sexuel? Non, c'est scato. C'est scato. C'est bon, ça c'est pas 16 ans et plus, c'est 8 ans et moins. Plouc. Bon, c'est dit, c'est fait, c'est sorti. Parce que là t'es en journaliste, puis là, tu sais, ça paraît pas avec les mots que tu nous sors, mais en journaliste, ils vous apprennent à faire du journalisme? Ben, ils nous apprennent comment structurer des articles. Fait que, okay. Ben, j'imagine que oui, ils nous apprennent un peu comment faire du journalisme. Fait que quand t'as trippé Scientologie, c'était pour ça? Ça oui, parce que ça avait rapport avec mon travail final. Puis donc, t'as-tu lu ma chronique? Tu savais ce que j'allais dire? Non, mais t'as commencé à le dire tantôt. Oh! Bon, fait que c'était pour mon dernier travail qu'il fallait comme pour 30% de ma session, ça c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que c'est nous qui choisissions notre sujet. Puis ce qu'il faut dire, c'est que c'était pour une enquête journalistique. Les enquêtes journalistiques, dans le fond, c'est des trucs... En fait, c'est une enquête journalistique qui a mené à la découverte du scandale des commandites. Ça a été fait par Daniel Leblanc, je pense, du Globe and Mail. Je pensais que tu parlais de toi. Non. Je te disais, je pense pas que ce soit David qui a découvert ça. Je pense que... En fait, vous connaissez toute l'histoire, non? Sûrement pas. Non. Ça nous intéresse-tu? Ben, juste pour dire, parce que je voulais juste dire que j'ai participé un petit peu à cette affaire-là. Ah ouais? C'est, tout a été dévoilé par une source d'information là, qui s'appelait Machouette, le nom de code, puis qu'elle n'a jamais été révélée, mais c'est moi. Oh, ouais. Il me semblait aussi. Mais attaquez-moi pas, là. En tout cas, donc, il y a aussi le Journal de Montréal là, qui avait infiltré les Raéliens, là, pour, en tout cas. Ah oh, oui. Ah, ouais. Oh, j'étais avec toi quand t'étais au Salon du Livre. Puis il y avait le livre là, sur le journal, ouais, le journal de l'infiltré qui sortait. Puis il y avait comme une gang de Raéliens qui est passée, puis on était comme dans le milieu. Il y avait comme des Raéliens partout autour de nous, tu t'en rappelles pas? Un peu. Moi je me rappelle que tu m'as parlé de ça. Ça a vraiment été effacé de mon cerveau. Donc, comme. Par des Raéliens qui m'ont torturé pendant des heures. Donc, comme je suis super original, j'ai décidé de moi infiltrer la Scientologie. Donc j'ai passé exactement tout mon temps libre à lire des trucs sur internet. J'ai comme lu à vrai 80 non mais j'ai lu à vrai pour mettons 50-60 heures de stock, j'ai vu des films et tout. Puis ben puis aussi j'ai été comme infiltré une vraie église, je me suis rendu là, ils m'ont foutu dehors, c'était bien le fun. Puis ça a juste pas rapport avec ce que je voulais dire. Okay. Parce que sa chronique était pas assez longue. Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que... Faire ça, moi aussi, quand ma chronique sera pas assez longue, je vais parler comme de la pluie puis du beau temps, puis je vais dire, mais dans le fond, je voulais vous parler de beurre de pinotte. Non, mais ça a un peu rapport, parce que là, étant donné que j'ai écrit mon article, que je l'ai remis et que j'ai eu ma note en échange, il fallait que je me trouve un nouveau hobby pour remplacer tout mon temps libre que j'avais de nouveau libre et que je m'ennuyais. Et ben j'ai vu un documentaire sur l'apocalypse en 2012. Ça, si vous savez pas encore c'est quoi, ben tapez 2012 sur Google parce que tout le monde en parle. Arrête pas de parler de ça. Ils font un film n'importe quoi. En gros, c'est une affaire. Dans le documentaire, ça disait que c'est comme il y a plein de prédictions qui ont été faites puis que ça convergeait tout vers un apocalypse en 2012. Il y a le calendrier Maya qui devrait s'arrêter. Non mais il y a aussi la planète X qui devrait, tu sais, la deuxième planète. C'est pas la planète X que je pense. C'est quoi la planète X? Celle qui est cachée derrière Jupiter. Ah, dans Godzilla contre Monster Zero. Non mais c'est supposé être la dixième planète, mais maintenant c'est la neuvième planète. Hein? C'est pas Sedna là? Ah, peut-être. Celle qui est plus loin que Mercure, hein? Mercure. Ok, Pluton, ouais, c'est elle. En tout cas, mais c'est une planète, mais c'est pas une planète. Puis personne ne sait si elle existe, mais elle est supposée croiser l'orbite de la Terre puis tout nous détruire. Il y a aussi une affaire de diminution du champ magnétique qui pourrait comme ça fait pouf ça ces affaires-là. Ouais, ça... Puis des colonnes de plasma. Mais voyons. Puis il y a aussi une affaire, un robot internet là, qui a fait des prédictions en tout cas. Puis c'est sûr que j'ai eu peur un peu. T'sais, j'ai vu ce documentaire-là, puis j'ai freaké. Fait que j'étais sur internet encore pendant super longtemps pour essayer de trouver des réponses. Puis je me suis rendu compte que c'est de la grosse bullshit. Mais ça, ça n'a pas vraiment rapport à mon but. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui, mais je fais toujours ça. Hein. C'est la même chose avec les scientologues. J'avais dit à Naf que je voulais m'enrouler dans la scientologie. Je t'ai justement posé la question. Là, t'es-tu en train de me bullshitter comme la foi de la scientologie? Tu m'as fait non. Bordel, là, je te croirais plus à partir de maintenant. Là. Mais en tout cas. Donc, tout ça pour dire que ça non plus, ça n'a pas vraiment rapport avec ma chronique. Question. Est-ce que c'est pour ta recherche sur l'apocalypse, est-ce que tu t'es infiltré dans une église apocalyptique puis l'apocalypse t'a foutu dehors aussi? Non, l'apocalypse, ça m'aime beaucoup. Ok, d'accord. Continue. Oh, okay. En fait, l'apocalypse, c'est très brigade. C'est pour ça que c'était tout le temps marqué « L'apocalypse a fini », c'est ton affaire ou c'était par rapport à ton... Non, ma fin de session. C'était par rapport à la fin de session. Okay. Mais bon, j'ai une fin de session en 2012 aussi. Brigade, Brigade SNW Heart Apocalypse. Ouais, on love Apocalypse. Mais ça, comme je disais, ça peut vraiment non plus rapport avec ma chronique. Ce qui a rapport, par exemple, c'est que ça parle de prédictions. Puis ben, dans mon examen final de lecture en anglais, c'était un texte sur les prédictions. Ça disait que, tu sais, ça disait en gros qu'en l'an 2000, les voitures allaient voler, qu'il y aurait plein de robots, du clonage... Puis bon, mais ça, on s'est rendu compte que c'est pas vraiment vrai. Donc, les prédictions, ça fonctionne pas. Puis, à l'inverse, il y a aussi... À l'inverse, il y a aussi un des frères Wright qui disait qu'il y a aucun humain qui volerait même 500 ans après sa mort. Puis, 2 ans plus tard, il a inventé l'avion. Donc... C'est lui qui a inventé ça, en plus. Ouais. Donc, les prédictions, ça marche vraiment pas. Les prédictions, dans le fond, c'est comme l'horoscope. T'sais, c'est la même chose. Si, mettons, ça fit pour l'apocalypse en 2012, ils vont le garder, sinon ils s'en rappelleront plus. Puis là, j'aimerais ça, d'ailleurs, qu'on fasse un petit exercice puis qu'on fasse chacun une prédiction de qu'est-ce qui va arriver d'apocalyptique en 2012. Moi, j'ai parlé de ma fin de session. La fin de session, c'est l'apocalypse. Mais ma fin de session va être tellement grosse qu'elle va accaparer le temps de tout le monde entier menant vers l'apocalypse dans d'atroces souffrances. OK, parlant de trucs qui deviennent grosses, moi, ma prédiction, c'est que David va devenir tellement gros qu'il va engouffrer tout. Ben oui, ça va faire un trou noir. C'est moi le Big Bang, hein? Légendaire quand tu nous tiens. Et Oli? Ben... Oli, lui, il avait pas pensé. Non, mais... Parce que lui, il l'a pas vu venir. David, tu dis que t'es le Big Bang. Fait que tu sais, la patente à Genève, là, où ils veulent leur faire le Big Bang, là, ça va-tu comme faire des clones de toi? Ce serait pas. Il y aurait une guerre épique entre légendaires pour savoir qui est le vrai. Peut-être que le grand collisionneur va comme créer d'autres David. Là, vous allez être obligés de vous battre ensemble. Comme vous êtes tous légendaires, mais c'est comme les autres qui vont mourir. Non, c'est comme dans Highlander. Il va être immortel? Ouais. Il doit tuer tous les autres pour devenir immortel. Ah, oh, c'est comme... C'est ça, Highlander? Je pense. Je sais pas. Ça ressemble à Terminator aussi. Ah, peut-être. Ou peut-être. Elle est seule. Non, il y a personne d'immortel dans Terminator. Il y a personne qui connaît rien de ce qu'il dit. Et donc, maintenant qu'on vient de faire des prédictions sur comment qu'on va... apocalypser. Ouais, plus tard. Alors, on va enchaîner avec d'autres types de prédictions, avec le sondage de l'assiette qui sonde. Mais malheureusement, j'ai tellement bu de thé depuis tantôt, là, qu'il faut absolument que j'aille aux toilettes. Fait que, Oli pis David, je peux-tu compter sur vous? Ben oui. Ok, bon ben... Comme sur un boulier. J'en reviens, ça devrait pas être ben long, là, à moins que la toilette, elle soit compliquée à flusher. Ou ben non, à moins qu'elle soit bouchée. Ok, ben, ouais, c'est ça. Bye! Bye. Bon, là, on va pas comme encore avoir une foutue assiette là, avec une voix qui stresse là, qu'on est plus capable. Bonjour, je suis l'assiette qui s'exprime. Il y en a combien dans cette foutue famille? Oh, on fait des clones. On va dans les assiettes de spin là, qui font envoyer des particules, puis ça fait plein d'assiettes qui parlent. Collisionneur, hein? Oui. Ben évidemment, faut pas le mettre à maximum parce que sinon les collisions ça détruit les assiettes là parce que des assiettes c'est fragile. Ah, tu as quand même un petit peu. Bon, ben l'assiette pendant que t'es là, tu te souviens-tu c'était quoi la question le dernier sondage? La semaine passée, Et l'autre va avant. La dernière question de la dernière émission, c'était... Qui était avant l'apocalypse. Ouais. Bien sûr. C'était comment voulez-vous mourir? Ah oui, c'est déprimant. Mais oui, qu'est-ce que tu veux, des fois, c'est comme ça. Puis là, ben, on a eu des réponses. Ben, je me rappelais plus exactement, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas reçu de réponse, on a juste fait un sondage sur notre blog. Parce que personne nous a écrit, évidemment. Puis là, il y avait plusieurs choix de réponses, comme comment aimeriez-vous mourir, genre être écrasé par Godzilla, Ceux qui ont été votés le plus, là, le plus populaire, je pense, c'était mourir d'une incertitude quantique. Mais moi, quand j'ai été voté, celui qui était le plus populaire, puisque je trouve c'est drôle parce que... T'es pas supposé te dire que t'as voté, parce que, étant donné qu'on a juste 6 résultats, là, t'sais... Mais quand j'ai été voté, celui qui était le plus choisi, puis ben, moi aussi j'avais choisi ça, c'est « Oh non, au secours, je suis en train de mourir maintenant, aidez-moi. » Ouais. C'était bien drôle. Moi, ça m'est... Je suis déçu, y a personne qui a dit qu'il voulait mourir par l'assiette qui parle. C'était pas dans les choix. Parce que mettons que l'assiette qui parle, elle crie ben ben fort quand elle mange, là, tu sais, comme... Non, c'est beau, on sait. Mais mettons que ça peut sûrement tuer. Ou bien des petits morceaux d'assiette que tu mets ton pied dessus. Ok, mais au lieu de la laisser continuer parce qu'elle s'exprime, là, okay, on va juste enchaîner. Les autres choix qui avaient été choisis, je sais qu'il y avait Écrapou par Godzilla. Je pense qu'il y a juste Narf qui a voté ça. Il est pas là, on peut le dans son dos. Là. Narf qui a été tout seul à choisir ça. T'es pas supposé dire que Narf vote non plus. Ah, shit. Ben, c'est plate parce que l'autre que j'allais dire, c'est le choix de réponse qu'il y a juste moi puis Narf qui a choisi. Et c'était être mangé par une chèvre. Est-ce que t'es en train de dire que t'as voté toi aussi? Ouais, puis je pense que... Je pense que Narf a voté pour sa sœur. Non, ma sœur, elle a voté pour... C'est la sixième. Non, t'as été voté pour l'eau. C'est qui parle, là? Oh, ma sœur! La sœur de Narf, elle a voté par personne interposée. C'est pas ma sœur. Ma sœur, c'est un clone. Elle est blanche, pareil comme moi. Ça s'appelle, elle s'appelle l'assiette au blanc chemin. Oh. Parce que... Bon, mais maintenant qu'on sait c'est quoi et qu'est-ce qui s'est passé... Ah, il y en avait un autre qui avait été très populaire. C'était Randall's Kiki par Chuck Norris. Bon, OK. Chuck Norris! OK, mais maintenant, la nouvelle question du sondage, pas nécessairement de la semaine, mais du podcast, c'est quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Toi, Ali, qu'est-ce que t'aimerais comme super pouvoir? Ben moi, ben c'est lié avec ce qu'on vient de parler. Parce que dans X-Men, okay, il y a un mutant, là, que j'ai checké sur Internet parce que je le connais pas, là. Il s'appelle Longshot, là. Là, c'est un extraterrestre. Comme dans Zelda. Puis, ouais, mais c'est pas pareil. Puis lui, son pouvoir, c'est comme de contrôler la chance puis le hasard. Fait que moi, j'aimerais ça comme pouvoir contrôler comme les probabilités quantiques. Justement pour pouvoir faire produire des improbabilités quantiques comme à volonté. Oh. Mais comme je sais pas vraiment exactement c'est quoi une improbabilité quantique, en fait... Ben, je le découvrirai en même temps. Ouais. Moi, le super pouvoir que j'aimerais avoir, c'est ben, en fait, je pourrais dire la téléportation. J'aimerais vraiment ça pour me téléporter, mais je suis déjà capable de faire ça. Je pourrais dire aussi que j'aimerais ça être invincible, mais ça aussi, je suis déjà un petit peu. Ben, peut-être que le super pouvoir que j'aimerais avoir, dans le fond, c'est de... Ah oui, mais ça... parce que, tu sais, dans le fond, je suis légendaire, donc, tu sais, j'ai déjà tous les super pouvoirs, mais je suis pas capable de faire ça, puis j'aimerais ça pouvoir torcher 1 million de points à Guitar Hero. Ça serait hot. Ok. Et toi, l'assiette? Moi, j'aimerais ça être fait en acier trempé, pour pas être cassé. Comme ça, dans le grand collisionneur, ça pouvoir le mettre à maximum. Je vais pouvoir péter la gueule de tout le monde! On appelle-tu Narf sur son téléphone de brigade pour savoir... Ah, il est aux toilettes, c'est pas grave. Non, on dérange les pas, on va juste enchaîner. Mais non, il y en avait Narf, il... Ok, ok, je vais l'appeler. Mais t'as-tu un téléphone de brigade ou c'est moi qu'il faut qu'il le fasse? C'est pas le mien. Ok. Ah, t'as déjà composé? Ouais. Dring, dring. Allô? Pourquoi vous l'appelez, là? Ça... je m'en reviens, là, ça sera pas si long que ça. Ben, c'est déjà tellement long. Mais Narf... Quoi? Quel super pouvoir t'aimerais ça avoir? Ça pouvait pas attendre 2 minutes? Ben, c'est ça que je disais à Ali, mais il a insisté. Ben, j'aimerais ça, mettons, peut-être pouvoir arrêter le temps. Encore? Ouais, mais c'est le fun d'arrêter le temps, parce que quand t'arrêtes le temps, là, tu peux, mettons, t'arrêtes le temps, là, tu cours, tu t'en vas sacrer un coup de pied dans le cul à quelqu'un, Puis là, tu t'en vas te replacer. Fait que là, comme. Puis là, tu remets le temps. Tu repèses play. Ben, puis là, ben, manière... la personne, elle a comme. Elle revole. C'est une manière détournée de se téléporter, par exemple. Ben non. Tu triches un peu. T'es obligé de marcher pareil. J'ai plus de batterie. Nerf, va falloir que je te laisse. Ok, j'en viens de toute façon, là. Bye. Excuse, j'ai plus de batterie. Ah non, faut que je charge. Bon, tu charges ton téléphone de brillade. Je vais faire le plein, ça. Et maintenant, et vous, cher public, très nombreux, c'est ça qui est écrit sur la feuille, en tout cas, quel super pouvoir est-ce que vous aimeriez avoir? Là, on va sûrement encore créer un nouveau sondage sur le blog, parce que vous nous envoyez pas beaucoup de réponses. Honte à vous. Ça, surtout toi! Ça, le jour du jugement dernier, là, en 2012, on va vous punir, hein? Parce l'apocalypse que c'est nous, va commencer avec vous. Parce que ceux c'est nous qui va créer l'apocalypse, pas. Évidemment. Mais bon... donc, c'est vous avez. Micro-ondes de la mort! Ouais, c'est ça. Vous avez encore plusieurs choix. Comme nous appeler sur notre super répondeur de brigade au 514-90-PIRATE. Puis je tiens à préciser que j'aime ça les micro-ondes parce que tu sais, un assiette, c'est ah, le fun ta gueule. Ça fait tourner. Ou par email au brigade.snw@gmail.com ou sur notre blog à blog brigade SNW sur Google. C'est pas ça partout. L'assiette, elle sait pas. Faut aussi répondre par Twitter. Ouais, mais comme personne Twitter. Ouais. Hey, faudrait que je me crée un compte sur Twitter, l'assiette qui parle, ça serait le fun. Ça serait le fun. En tout cas, bye bye, je m'en vais me coucher. Fais donc ça. Tu vas te coucher, va-t'en, ouais. Si tu croises Naf, tu diras de venir. Ouais. Est-ce qu'on attend Naf pour non, continuer on continue. Ou on continue? De toute façon, c'est Naf qui anime. Je me le rappelle assez, gars. Ah la non, il est là. Bouché. Oh, je pourrais pas animer. Je savais que c'était long, hein. T'es... Ah, t'es plein d'eau en plus. Wow. Elle t'a bouché dessus. Ok, next. Donc, là, qu'est-ce que j'ai manqué, là? Ah, rien. Ben, le début puis la fin de l'univers. Ah, rien que ça. Non. Ouais, ok. C'est on avait été à Ronde peser sur le piton. Ben, heureusement. Ben, j'arrive en tout cas à temps pour la fin, étant donné que c'est la fin du podcast. C'est vrai que j'ai faim. Alors, on va écouter cette semaine une toune que David a choisie qui s'appelle Arrête donc de prendre du hashish de Daniel Ijbia. Puis ça, j'avais c'est quelque chose à te dire. Encore le même gars. Non. J'ai entendu ce nom-là. Je sais probablement pas. Parce que David t'en a déjà parlé. Parce que ça, c'est ça. Ça, c'est dans mon, ça a directement rapport avec mon ancien trip de Scientologie, comme je vous parlais. Parce que j'ai trouvé ça sur un site internet de Narconon, qui est une filiale de la Scientologie. Et Daniel Ijbia, c'est un reporter français scientologue qui a écrit une toune pour Narconon, qui est scientologue. C'est pour ça que c'est fucking même. Ouais. Donc, c'est très excellent. Puis, ben, on écoute ça. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine, du moins on espère, pour la prochaine émission des Podcasquettes. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Twitter, ainsi que sur Twitter à twitter.com/brigade_snw. Et ensuite, vous pouvez nous suivre aussi sur le blog de la Brigade en tapant blog Brigade SNW dans Google. Ainsi que le répondeur de brigade. Notre nouveau site internet. Hein, on a un nouveau site? Ben, ça fait un petit bout de temps, par exemple. Hein? On a peut-être parlé, mais je suis plus sûr. En tout cas, il est nouveau, fait que allez le voir. Mais c'est la même adresse? Non. C'est plus un Google Page? Non, c'est rendu sur Google Site. Oh, ah, ça! Ah, on l'a déjà fait parce qu'on avait fait le jeu de mots avec les méchants dans Star Wars. Ouais. Oh, shit. Fait qu'on a déjà parlé. Ok, bon, ben, à la prochaine. C'est ça. On écoute la toune. Mais arrête donc de prendre du hashish, car tu n'as que 3 ans. Tu verras plus tard, tu auras des complications et des contraceptions, des contaminations et des contraventions. Tu sauras pas bien tes leçons. Mais il n'écoutait pas ce que sa maman lui disait. Au lieu de regarder Starac à la télévision comme les autres garçons, il voyait tout plein d'ours blancs que ne voyait pas sa maman. Mais arrête donc de prendre du hashish, car tu n'as que 3 ans. Tu verras plus tard, tu auras complications et des contraceptions, des contaminations et des contraventions. T'auras pas bien tes leçons. Et un jour, il mange à sa sœur, ce fut un bon 4 heures, comme c'était une surdouée. Son cerveau s'est amplifié, à la drogue il a renoncé. Il préfère sa fiancée, qui a 2 ans de plus que lui, et qui fait pipi au lit. S'est mis au bonbon eczéma. Des bonbons caramel eczéma vont dans cette salle. Les bonbons caramel eczéma ne créent pas l'accoutumance. Le haïku de la semaine. Un super-héros combat son pire ennemi. Plouk plouk plouk plouk plouk.